Bonjour Emmanuel Laurentin. Bonjour Anne Fourcamberg. Et au sommaire de la Fabrique de l'Histoire. Nous terminons notre série consacrée à l'Europe en nous intéressant à une figure européenne, celle de Louise Weiss. Elle fut une des grandes féministes de l'entre-deux-guerres. Elle fut aussi celle qui porta, donc après la Première Guerre mondiale, l'idée d'une Europe politique. Elle en fut la doyenne du Parlement européen en 1979. C'est son histoire qui est racontée dans le documentaire de ce matin. Prologue. En cette soirée d'automne, Madame de Saverne sommeillait contre son gré. Au coin de son feu, la figure encadrée par les oreillettes du fauteuil dont elle s'était réservé l'usage. Les bûches, qui rougeoyaient dans l'âtre, fardait d'aurore ses traits flétris. Sa robe austère et semée de paillettes, sa chevelure gris fer, dont les bouffants à l'ancienne étaient retenus par de petits peignes incrustés de diamants. Alors, il faut passer par là. Alors, c'est également le parcours qu'empruntaient les personnalités qui venaient en visite officielle. Elles n'entraient pas par les petites portes de devant, elles entraient par ici. Alors ici, il n'y avait pas de table comme maintenant, il n'y avait pas tous ces appareillages électroniques. C'était comme une petite antichambre pour l'Assemblée, pour le Parlement. Et le président se tenait ici en attendant qu'on lui donne le signal de l'ouverture de la séance. Vous n'avez pas entendu. I would like an assurance today that this will not occur again. I am quite sure there are many people who feel that. Vous n'avez pas la parole, monsieur. La séance est ouverte et je dois vous lire le règlement. Si aujourd'hui je me trouve à ce fauteuil, c'est en application de l'article 6 du paragraphe 1 de notre règlement qui prévoit qu'à la présente séance, la plus âgée des membres, c'est moi, remplit la fonction de président jusqu'à la proclamation de l'élection du président. Je déclare donc ouverte la séance constitutive du Parlement européen. Vous, Paul Kolowald, vous avez assisté à ce discours inaugural du Parlement en 1979? Ah oui, j'étais dans les tribunes et je dois dire que j'ai rarement entendu, si on peut dire, un silence de cette nature, parce que elle avait à la fois une voix un peu au perché, mais parfaitement intelligible, et alors elle a brossé un tableau, elle a fait sortir de l'histoire les personnages, et elle les désignait. Et il y avait aussi bien, je prends quelque chose d'un peu contrasté, elle faisait surgir De Gaulle, mais elle faisait surgir Robert Schuman. Vous voyez, elle a donné à cette assemblée une sorte d'enthousiasme. La doyenne donnait de l'enthousiasme. Écoutez, non, mais vous voyez, je suis encore un peu ému de me souvenir de cela. Louise Weiss, roman d'une Européenne, 1893-1983. Catherine de Coppet et Thomas Duterre. Chapitre 1er. J'appartenais à une famille qui était européenne presque de vocation. Oui. Et que j'avais appris l'Europe dès ma plus tendre enfance par les gâteaux que mon arrière-grand-mère, qui était une contemporaine de la reine Victoria, dont vous parlez très bien dans votre livre d'ailleurs, recevait de sa lignée et qui était dispersée aux quatre coins de l'Europe. Alors, à Noël, je voyais arriver les puddings d'Angleterre, les gaufres de Carlsbad, les boudins d'Alsace, confitures particulières de la Hongrie, les caviars et œufs de poisson de la Russie et de la Roumanie. Enfin, j'avais, en festoyant avec les miens, le sentiment qu'il y avait une Europe. Et déjà à ce moment-là, on considérait dans ma famille les États, quant à leur degré de civilisation, par le raffinement de leur cuisine et de leur politique, car les miens étaient fort au courant de ce qui se passait dans le monde. Musée de Saverne, section Louise Weiss. Alors, Louise Weiss est aussi un symbole d'émancipation féminine parce que, bien qu'issue d'une famille très parisienne, très en vue, son père, donc d'origine alsacienne, avait une vision très traditionnelle pour l'éducation des jeunes filles. Gabrielle Feller. Et quand on lit les mémoires de Louise Weiss, elle raconte comment elle a préparé l'agrégation en cachette de son père avec le soutien financier de sa mère. Et quand elle est reçue en 1914, donc c'était la déclaration de la guerre. Alors, ce sont les mémoires de Louise Weiss, c'est ainsi qu'elle le raconte. Donc, sa mère lui dit, profite de cet événement tragique pour annoncer à ton père que tu es reçue à l'agrégation. Et la seule réponse de son père, c'est « J'aurais préféré que ton frère soit reçu premier à Polytechnique ». Pour elle, être agrégée, c'était avoir un diplôme, être reconnue sur le plan intellectuel. Donc elle a démissionné très vite de l'enseignement et puis elle s'est tournée vers le journalisme. Elle a d'abord commencé à travailler pour le journal d'un parti politique qui était le Radical. Et alors elle signait ses articles sous un pseudonyme Louis Lefranc, puisque sa famille considérait que le métier de journaliste la déclasserait. Ce travail de journaliste était inspiré d'une très forte idéologie. L'idéologie d'abord de la DER des DER, que je partageais avec les combattants. Pourquoi avions-nous ou risqué nos vies ou supporté ces douleurs ? Car je n'ai pas risqué ma vie dans la guerre de 14, sauf en allant deux ou trois fois au front, et encore le danger n'était pas si grand. Mais enfin, j'ai supporté, je puis dire, le calvaire de l'arrière, le calvaire des femmes de ma génération. Et alors nous pensions nous battre pour que cette guerre horrible soit la der des der. Et nous pensions nous battre parce que nous espérions que de ce sacrifice général de la jeunesse européenne sortirait une institution capable d'établir un gouvernement mondial et la paix générale, c'est-à-dire la Société des Nations. Aristide Briand, Société des Nations, 1921. Revient cette année, comme les précédentes, apporter à cette tribune un acte de foi sincère et ardent dans la société et nation. Alors, à un étudiant allemand qui l'interrogeait, Louise Weiss a dit que la seule influence qu'elle a pu avoir, en fait, sur Aristide Briand au sujet de ses projets d'Union européenne, c'était d'utiliser la Société des Nations pour le faire. Parce qu'effectivement, cette institution internationale avait un but très ambitieux, hein, faire régner la paix dans le monde, mais comme elle n'avait pas été ratifiée ni par les États-Unis ni par la Russie, ce projet apparaissait tout à fait utopique. Et le cercle de l'Europe nouvelle avait en fait eu cette idée, mais qui était partagée par d'autres intellectuels, d'utiliser la Société des Nations dans la construction européenne. La Société des Nations, donc, était à Genève. Tous les fonctionnaires, les hommes politiques, les journalistes qui gravitaient autour de cette institution se retrouvaient dans une brasserie genevoise qui s'appelait La Bavaria, dont les murs étaient tapissés de caricatures de personnalités de la Société des Nations. Et ici, nous avons une caricature de Louise Weiss en ogresse, hein, avec un médaillon. Dans ce médaillon, il y a un portrait d'Aristide Briand. Et puis, évidemment, Louise Weiss, on l'appelle Sainte Louise Weiss, directrice de l'Europe nouvelle. J'entends les voix de l'Europe nouvelle, je vais les publier. Christophe Bellon, quelle importance prend l'Europe nouvelle, cette revue fondée par Louise Weiss en 1918, dans ses années 20 ? Elle va représenter, cette revue l'Europe nouvelle, une forme de porte-parole de l'idée d'unification européenne, d'unité européenne. Alors, Aristide Briand figure parmi les personnalités qui écrivent régulièrement dans la revue, et même très régulièrement, puisqu'il tient une chronique très régulière. L'objectif premier de l'Europe nouvelle et de la politique d'Aristide Briand, c'est un, d'assurer la sécurité en Europe, mais de pouvoir assurer aussi son unité. Donc au-delà de la construction de l'Europe, comme on pourrait la comprendre aujourd'hui, il y a le souci de créer dans l'espace continental une zone de stabilité qui n'existe plus depuis déjà quelques années, mais qui n'existe pas encore malgré la signature des traités de paix. Donc comment faire cela ? Eh bien, le moyen qui va être mis en place, c'est précisément ce rapprochement avec l'Allemagne et, parallèlement aux grands projets politiques, encore une fois, les projets d'Europe économique. Par exemple, la création de l'Entente internationale de l'acier en 1926, qui est en quelque sorte précurseur de la communauté européenne du charbon et de l'acier de 51. On sait que Jean Monnet, d'ailleurs, est aux manettes de la Société des Nations comme secrétaire général adjoint dans un premier temps des années 20 jusqu'en 1923. Et donc, tout ça est imbriqué. Quand Aristide Briand présente à la Société des Nations en 1929 son projet de fédération européenne, en tout cas d'union pour l'Europe, il s'inspire de mots utilisés même par Louise Weiss. Donc qui a inspiré l'autre finalement ? Je pense très clairement que sur l'aspect économique, Louise Weiss a beaucoup apporté à Aristide Briand. Elle l'a accompagné dans plusieurs rencontres. Elle l'a accompagné pas seulement au plan journalistique, elle a été presque une conseillère occulte. Alors on voit quelques échanges de correspondance sur ce plan-là dans les archives Briand et qui montrent que l'idée de marché commun, même si c'est pas sous ce terme-là, mais plutôt sous le terme de zone de libre-échange, vaste zone de libre-échange que la notion apparaît, est bien d'elle. L'ancien manoir de Montrésor était immense. Orné d'un escalier extérieur à double révolution et de tourelles scintillantes de vitres. Immense et inhabitable. Du moins, ses héritiers présomptifs le jugeaient-ils ainsi. D'ailleurs, les Savernes n'avaient jamais occupé que la partie de leur demeure rénovée au XVIIIe siècle par le fermier général Aymar de Montrésor, le dernier comte français du nom, soit au rez-de-chaussée, le salon, la bibliothèque transformée en billard, la salle à manger, une cuisine aux multiples dépendances et au premier, une dizaine de chambres. Alors, Louise Weiss avait fait construire près du Trocadéro un petit hôtel particulier de style art déco. Gabriel Feller. Et nous voyons ici, nous devinons l'escalier hein, qui était avec sa rampe en fer forgé, qui était une des pièces maîtresses de cet immeuble. Et donc, dans cette reconstitution de la salle à manger, nous avons évoqué ces personnalités qui fréquentaient le salon de Louise Weiss. Et qui, évidemment, alors on a des hommes politiques français comme André Tardieu, Paul Valéry, hein, le poète. Nous avons également Édouard Herriot, hein, maire de Lyon et un homme politique français très en vue. Édouard Bénèche, que Louise Weiss a connu pendant la Première Guerre mondiale. Raïm Weizmann, qui deviendra le premier président d'Israël. Alors, des industriels, le peintre Raoul Dufy, dont nous avons ici un dessin qui représente une soirée chez Louise Weiss, et l'écrivain allemand Thomas Mann. Il faut bien voir que Louise Weiss est lue, écoutée dans d'autres pays que la France. Il faut voir qu'elle est aussi un très fort soutien de Richard Coudenhove-Kalergi qui, avec son projet de Pan-Europe, irrigue l'ensemble des pays européens de ses velléités de Nouvelle Europe. Christophe Bellon. Elle a d'emblée ou presque d'emblée la responsabilité de la rédaction en chef dans un journal qui est créé quasiment pour elle. Donc ça, c'est une prouesse. La prouesse numéro 2, c'est d'avoir pu, pendant 16 ans, tenir à un si haut niveau un journal qui était lu, en fait, essentiellement par des hommes. Louise Weiss, ce qui est intéressant dans son parcours, c'est qu'elle l'a beaucoup raconté elle-même. Et donc, elle a construit un petit peu son parcours, a posteriori. Et elle explique comment, au début des années 30, alors qu'elle a créé une école de la paix, elle se rend compte de la montée des tensions en Europe et que, finalement, tout le combat qui a été le sien depuis 1918 pour la paix en Europe, pour la création d'une Europe plus unie, plus fraternelle aussi, elle se rend compte que ce combat-là est perdu. Et qu'il n'y a plus d'interlocuteur autour de la table européenne pour aller dans ce sens-là. L'Italie fasciste avec Mussolini, l'Allemagne nazie avec Hitler. Et donc, elle abandonne en quelque sorte le journalisme. Elle écrit elle-même qu'elle casse sa plume. Et elle se choisit une autre cause. La cause des femmes, la cause de la citoyenneté des femmes, du vote des femmes. Si on lit un peu entre les lignes dans ses mémoires, on s'aperçoit que ce basculement, il n'est pas que politique, elle ne passe pas simplement d'une cause à une autre, mais qu'il y a aussi des raisons personnelles, et sans doute aussi l'envie de changer quelque chose à ce moment-là aussi dans sa vie. Chapitre 2. Avec d'autres associations féministes, elles ont fondé un mouvement, La Femme Nouvelle, hein, qui est l'intitulé du bulletin de vote. Et aux élections de 1936, elle a présenté une candidature symbolique. Donc en fait, ce bulletin de vote est effectivement un manifeste de sa campagne féministe. Alors le titre, c'est La Femme Nouvelle. Louise Weiss, agrégée de l'université, officier de la Légion d'honneur, candidate féministe, circonscription Sorbonne, Jardin des Plantes. Citoyenne, venez voter avec votre mari. Ce bulletin de vote doit être utilisé par une femme. Nous sommes actuellement à la permanence de Madame Louise Weiss et de Madame Maurice Pina, toutes deux candidates aux élections législatives dans le 5e arrondissement. Voudriez-vous nous dire, Madame Louise Weiss, les buts de votre candidature et les méthodes que vous emploierez pour assurer le triomphe de la cause féministe? Je pose ma candidature à la députation dans la circonscription Sorbonne-Jardin des Plantes. Et mon amie, Madame Denise Maurice-Fina-Aviatrice, pose la sienne dans la circonscription Saint-Victor-Val-de-Grâce. Le 5e arrondissement est l'arrondissement de la jeunesse des écoles. Nous avons décidé de faire campagne dans cet arrondissement car la jeunesse est avec nous et la jeunesse, c'est l'avenir de la France. Elle n'a pas été la seule à se battre pour le droit de vote. Il y a eu un formidable mouvement suffragiste en France qui a été quelque peu occulté par l'histoire. Françoise Gaspard. L'originalité de Louise Weiss, qui d'ailleurs lui a valu des critiques, y compris chez les femmes, dans les mouvements féministes de l'époque, c'est d'avoir su médiatiser ce mouvement. Elle ne se promenait pas, ce qui était quand même à l'époque tout à fait étonnant, sans caméra. Sans journaliste. Elle faisait des actions d'éclat. Elle a eu un sens de la mise en scène du suffragisme que les autres femmes sans doute n'ont pas eu. Et là aussi, elle nous permet d'avoir des traces d'une action dont elle a été une des actrices sans doute les plus drôles, les plus imaginatives et qui a permis de faire passer cette revendication dans l'opinion. La femme nouvelle. J'avais résolument changé d'activité. Je voulais toucher le peuple et non seulement les chancelleries. Je fis une ardente campagne afin que les Françaises, considérées comme majeures pour leurs fautes, ne fussent plus mineures pour leurs droits. Nous étions en période d'élection municipale. Les agents avaient voulu nous arracher les urnes que nous avions disposées dans les rues. Nous fîmes parler la poudre en leur lançant au visage de la poudre de riz parfumée. Ce qui mit les votants et les rieurs de notre côté. Et puis, nous avons barré la rue Royale. Nous nous étions enchaînés au réverbère. C'était une sorte de guerre en dentelle, forguée par moments. Nous voici sur la place de la Bastille, prêtes à brûler nos chaînes. Je me rappelle l'ahurissement des agents lorsqu'ils virent tout d'un coup flamber des papiers de journaux qui étaient supposés brûler nos chaînes, celles dont nous nous étions débarrassés, au pied du monument de la Bastille, symbole de toutes les libertés. Le 13 février, Léon Blum, leader du Parti Socialiste SFIO, l'homme politique le plus détesté de la droite, échappe à un attentat. Il paraissait normal à ce moment-là que tous les jours l'Action française appelât au meurtre. Il y avait une violence, une haine dont Léon Blum a probablement été l'objet principal pendant toutes les années qui vont du Bloc national jusque et y compris au-delà de l'armistice. Ces panneaux reproduisent une affiche qui est conservée à la Bibliothèque d'Histoire Contemporaine à Nanterre. C'est une affiche antisémite qui a été diffusée à Paris et qui reprend en fait le gouvernement de Léon Blum de 1936. Alors, elle figure en rouge. Effectivement, sa famille maternelle était juive. Elle n'était pas au gouvernement de Léon Blum. Elle n'y a jamais été. Alors, elle raconte dans ses mémoires qu'elle a refusé d'y participer. Certains historiens m'ont dit qu'on n'est absolument pas sûr de cette proposition de Léon Blum. Donc, je ne m'y avancerai pas. Mais en fait, elle figure comme une femme d'influence, en fait. Les avions à croix gammée survolent Vienne. Un mouvement de résistance s'esquisse parmi les nationaux autrichiens. Mais les premiers soldats allemands ont franchi la frontière. Les agents de la Gestapo sont envoyés en estafette. Les mécontents sont refoulés. Personne ne viendra troubler l'affaire. La marche triomphale d'Hitler sur Vienne va commencer. « nazisme, naturellement, l'a complètement désorienté et elle a, à ce moment-là, cherché à aider de toutes ses forces la lutte contre Hitler. Henri Labrousse. Dès l'année 1940, elle s'est intéressée d'abord au malheur du peuple français et ensuite à la manière de mener la lutte contre l'occupant. Et il y a un épisode là très curieux qu'elle m'a souvent raconté. En 1941, elle avait obtenu un ordre de mission du gouvernement de Vichy pour aller aux États-Unis récolter des médicaments et des fonds pour venir au secours des enfants français qui avaient fui les zones occupées, qui s'étaient réfugiés surtout dans la zone sud. Elle a fait une grande tournée de conférences aux États-Unis, elle a récolté de l'argent, elle a récolté des médicaments, et elle aurait pu rester. Et je lui ai souvent demandé, je lui ai dit, mais Louise, pourquoi êtes-vous rentrée? Vous auriez pu rester aux États-Unis, jouer un grand rôle dans la France combattante, vous auriez pu ensuite vous rendre à Londres, voir le général de Gaulle. Comment ça se fait que vous êtes revenue? Et elle m'a toujours fait la même réponse, elle m'a dit, je voulais me battre en première ligne. Il y a beaucoup de moments dans ses mémoires qui sont en quelque sorte une manière de revisiter un petit peu des moments de sa vie. Par exemple, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale. Yves de Necher. La participation de Louise Weiss à un réseau de résistance qui s'appelait Patriam Recuperare et à une presse clandestine, etc. Les traces, si vous voulez, archivistiques, les sources, etc. Ne sont pas très étoffées sur ce plan-là. Donc effectivement, là, on a clairement une reconstruction, si vous voulez, un petit peu de sa situation, mais qui s'explique d'ailleurs assez bien. Louise Weiss, elle est d'origine juive, donc évidemment. Et puis, c'est une personnalité qui est très connue. À la fin des années 30, elle est déjà officier de la Légion d'honneur, elle est déjà très reconnue dans le monde, évidemment, médiatique, politique, etc. etc. Donc c'est une grande personnalité. Donc les mouvements, les réseaux de résistance se bousculaient pas pour récupérer des gens comme ça, qui étaient aussi des gens compliqués, en quelque sorte, à gérer, etc. Donc sa parenthèse de la guerre, elle s'explique aussi. Elisabeth Rodinesco, nièce de Louise Weiss. Pendant l'occupation, heureusement qu'elle a eu ses frères et sœurs, parce que sinon, elle aurait fait de la collaboration sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire, elle avait tellement envie d'exister, d'avoir des activités, qu'elle était prête à offrir ses services au maréchal Pétain Saint-Paul. Il a fallu que la famille dise « mais ça ne va pas ». Tu ne peux pas faire ça, d'abord, tu es juive, mais elle ne s'en rendait même pas compte, puisqu'on était plutôt protestant. Ensuite, elle s'est inventée un passé de résistante. Et ensuite, elle a évolué très bizarrement. La deuxième partie de sa vie était moins glorieuse, parce qu'elle était absolument hantée par les honneurs. Elle voulait avoir le prix Nobel de littérature, or ce qu'elle écrivait n'était pas terrible. Elle voulait entrer à l'Académie française, toujours le symptôme de la famille, être le premier. Chapitre 3. Rien avant le pôle sud, film de Louise Weiss à Madagascar, 1963. Le village est là, auprès de l'usine, et bien que l'espace ne manque pas, les huttes sont minuscules. L'on y vit accroupis, serrés les uns contre les autres comme des pigeons dans leur case. Auprès d'elle, la maison du planteur fait grande figure. Et son maître aime à étonner les visiteurs en leur montrant son plus précieux trésor. En l'occurrence, un œuf d'épiornis. L'épiornis n'est plus de ce monde depuis 600 ou 700 ans. Jugé de sa taille par son squelette comparé à celui de l'autruche ou à un poulet. Après 1945, Louise Weiss a collaboré avec Gaston Boutoul qui était un sociologue français très célèbre et qui a fondé l'Institut de polémologie à Paris. Gabriel Feller. Et c'est dans les cadres de ses études de polémologie que Louise Weiss a entrepris ses voyages, dans le contexte de la décolonisation et de la guerre froide. Ce ne sont pas des voyages ethnographiques, ce ne sont pas des voyages d'agrément, ce sont vraiment des voyages qui ont une thématique politique. Alors évidemment, elle va être en Corée juste au moment où la guerre va éclater entre le Nord et le Sud. Ces voyages sont orientés par les conflits qui éclatent à travers le monde. Et d'ailleurs, elle a été secrétaire de rédaction et elle a publié le résultat de ses recherches dans la revue Guerre et Paix, qui était la revue de l'Institut de polémologie. Louise Weiss, pour financer ses voyages, tournait des films qu'elle vendait au ministère de l'Instruction publique ou qu'elle présentait à Connaissance du Monde. Donc là, on n'est plus du tout dans le même niveau d'influence que l'Europe Nouvelle. Hein. Connaissance du Monde et l'Europe Nouvelle, ce n'est plus du tout la même chose. Et effectivement, Louise Weiss, quand elle a démissionné de l'Europe Nouvelle, elle a perdu toute sa position politique qu'elle pouvait avoir en tant que journaliste internationale. Et donc, elle travaillait avec des cinéastes qui l'accompagnaient. Celui qui est devenu un ami était Georges Bourdelon. Et en fait, c'est lui qui a pris toutes ses photographies. Par exemple, pour les pourboires en Inde, je me souviens, c'était très drôle, avec mon assistante, nous étions effarés, parce que ou elle donnait 1,50 franc, ou elle donnait 100 francs. Et tout d'un coup, le gars faisait une drôle de tête, et il y avait deux solutions. Ou il avait touché 3 sous, ou il avait touché un billet de 100 francs, et il ne savait plus où il en était. Et Louise Weiss partait, très digne, complètement ignorante de ce qui s'était passé. Elle discutait avec les populations? Oui, beaucoup, beaucoup. Mais elle avait quand même un certain mépris du petit peuple, comme on disait. Ouais. Elle aimait bien discuter, mais avec les gens qui avaient une certaine autorité, c'est-à-dire avec soit des moines, soit des prêtres. Mais devant la misère, par exemple, devant la misère humaine, quelle était son attitude? Vous savez, là, elle n'avait pas ce sens de missionnaire, si vous voulez. Elle pensait plutôt qu'il fallait faire une recherche sur le plan politique, c'est-à-dire que s'il y avait tant de misère, c'est que le gouvernement s'y prenait mal et que tout le monde... dans le pays, s'en fichait complètement, d'ailleurs, ce qui est vrai la plupart du temps, parce que quand on voit la misère dans certains pays qui sont riches, on se demande pourquoi. Quant à la vieille baronne Amélie, qui se rongeait de n'avoir pas eu d'enfant. Elle tenait sa résidence pour un désert. Pourtant, 5 domestiques la peuplaient, les mêmes qu'au temps d'Horace, tous sauf l'un, aussi vétustes qu'elle, et dans l'ensemble dévoués à leurs tâches, car ils n'imaginaient pas sous d'autres toits d'aussi bons gages, une meilleure chère, plus de cadeaux et moins de corvées. À l'exemple de leur douairière, ces antiques serviteurs se savaient les tenants d'un luxe condamné par l'avenir, et ils ne se préoccupaient que des moyens de s'assurer une existence aussi confortable que possible lorsque Madame de Saverne aurait fermé les yeux et mon trésor ses portes. Chapitre 4. Il y a quand même un élément qui mériterait d'être creusé, à mon avis, c'est quand même Louise Weiss dans les années 50-60, au moment où il y a cette construction communautaire, et les rapports qu'elle peut avoir avec finalement ce qu'elle a appelé de ses voeux dans les années 20, qui est en train de se réaliser. Et la question, c'est quand même pourquoi elle n'en est pas. Elle est à distance et en voyage. Oui, mais c'est pas faute d'avoir essayé, hein, notamment depuis la SDN. Elle passait beaucoup de temps à Genève dans les années 20. Yves de Necher. Et elle a connu Monet, Jean Monet, qui était un des responsables de la SDN. Elle l'a très bien connu, ils étaient amis. Et donc, dans les années 50, notamment au début des années 50, quand se crée la communauté européenne du charbon et de l'acier, elle fait des offres de service à Jean Monnet, en demandant à être utilisée, en quelque sorte, avec ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire faire des films. faire des documentaires pour promouvoir cette CECA, pour promouvoir cette construction européenne. Et Jean Monnet temporise et ne l'utilise pas. Et donc là, il y a encore, me semble-t-il, pour les historiens, des choses à creuser sur cette distanciation-là entre la Louise Weiss des années 50-60 et puis la génération des constructeurs. Faire un saut dans le temps. En 1979, l'opportunité est donnée à Louise Weiss d'entrer véritablement en politique, en tout cas d'être élue, sur la liste du RPR pour les élections européennes de juin 1979. Comment comprendre cette entrée en politique tardive ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, Louise Weiss veut absolument que son combat pour l'Europe puisse quand même trouver un aboutissement. Alors, c'est un peu une vision téléologique de l'histoire, mais un aboutissement, elle veut témoigner sur ce qu'elle a vécu. Elle veut que ce témoignage apporte quelque chose. Et le grand paradoxe, c'est que Louise Weiss n'a pas accompagné Christophe Bellon, la construction de l'Europe des années 50. Donc, elle a une revanche à prendre. Et la revanche est prise avec la sortie de ses mémoires qui vont véritablement la refaire entrer dans le jeu. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Louise Weiss n'a pas abandonné pour autant le combat politique. Et alors, ça peut paraître paradoxal dans le contexte de 79, qu'il faudrait rappeler d'un mot. Jacques Chirac mène la liste pour le Rassemblement pour la République, parti né 3 ans plus tôt. Mais surtout, il le mène en rupture avec la majorité de Giscard d'Estaing, qui, lui, a choisi une tête de liste très européenne dans la personne de Simone Veil. Quelques mois plus tôt, avant la campagne pour les élections européennes, Jacques Chirac a prononcé un discours, l'appel de Cochin, dans lequel il stigmatise le parti de l'étranger, c'est-à-dire le parti de l'Europe, et du coup donne à la campagne électorale une teinte très eurosceptique, je crois le moins qu'on puisse dire. Dans ce cadre-là, que vient faire Louise Weiss ? Alors, je pense qu'il n'est pas à négliger que Louise Weiss, depuis quelques années, est assez proche du général de Gaulle. Elle s'est définie à plusieurs reprises comme gaulliste. La troisième raison, c'est vraisemblablement quand même une question d'opportunité, parce que on est allé chercher Louise Weiss dans les derniers mois de la préparation de la campagne. Elle y a vu une opportunité inespérée, presque, elle le dit, pour une personnalité de son âge, 86 ans, de pouvoir figurer sur une liste. Elle est en cinquième position. Chirac lui dit « Vous serez notre first lady ». En effet, c'est la première femme sur la liste, cinquième position, qui lui vaut d'être élue, mais aussi, parce qu'elle a 86 ans, de faire le discours de doyenne d'âge, c'est-à-dire le premier discours du Parlement, du nouveau Parlement européen élu au suffrage universel. J'avais 31 ans au moment de l'élection. Francis Wurtz. Pour moi, c'était quelque chose de totalement inattendu. Je n'étais candidat à rien. Et on me l'a proposé sans doute parce que j'étais strasbourgeois, comme je le suis toujours d'ailleurs, et que, étant né dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, toute mon enfance a baigné dans le plus jamais ça, plus jamais la guerre, et l'Europe comme rempart contre la guerre. Donc, tout était neuf dans cette affaire. Je me souviens, comme si c'était hier, de la montée des marches dans ce nouvel immeuble colossal, très impressionnant, l'entrée dans l'hémicycle avec cette tour de Babel où on parlait une dizaine de langues. Les jeunes d'aujourd'hui trouvent ça d'une banalité extraordinaire. Pour ma génération, c'était pas banal. Donc le fait d'être pionnier, investi d'une mission de construire quelque chose de neuf, d'unique au monde d'ailleurs, était très très très enthousiasmant. C'est un souvenir magnifique. Je me souviens du discours inaugural, d'abord parce que c'était une personne très impressionnante. Malgré son grand âge, elle avait près de 90 ans, et c'était une personnalité forte qui a fait un très beau discours à tonalité humaniste, dont je ne me souviens plus du détail, mais quand même de quelques points forts. Il y a le avant, pendant et l'après discours de Louise Weiss. Ça, je peux vous le dire. Ce n'est pas une formule un peu facile, mais oui, au début de la curiosité, ensuite de l'attention. Paul Colovalde. Et au fur et à mesure de l'admiration, cette vieille dame, une doyenne qui vient faire un discours, elle ne passait pas inaperçue, figurez-vous, qu'elle avait des cheveux blancs, j'allais dire, bon, j'exagère un peu, mais on ne voyait qu'elle, hein, les cheveux blancs de Louise Weiss. Parmi les plus éclatants des fils de Zeus et de la nymphe Europe, j'appellerai mes contemporains, qui pour main d'entre vous font déjà figure d'anciens. Entrez, Gustav Stresemann. Entrez, Aristide Briand. Entrez, Paul Valéry. Entrez, Richard Coudenhove-Kalergi. Entrez, Robert Schumann et Jean Monnet. J'en viens allègrement à l'avenir. Les institutions communautaires ont fait des betteraves, du beurre, des fromages, des vins, des veaux, voire des cochons européens. Elles n'ont pas fait d'homme européen. Ces hommes européens existaient au Moyen-Âge, à la Renaissance, au siècle des Lumières et même au XIXe siècle. Il faut les refaire. Déjà, la jeunesse s'en charge, circulant, sac au dos, ignorant les frontières. Déjà, les villes jumelées ont créé un réseau d'hommes et de femmes allergiques aux conflits passés et qui se savent liés au destin de leur continent. Mais dans leur ensemble, les écoles ne suivent pas. Des rêveurs ont pensé à des manuels scolaires qui transformeraient notre passé en jeu d'agneau. Le mensonge ne porte jamais de fruits. Il faut au contraire qu'en toutes les écoles du marché commun, des plus modestes aux plus sophistiqués, soient expliqués qu'à des siècles de conflits et de massacres, se substitue aujourd'hui une ère nouvelle fondée en doctrine sur un plus petit commun dénominateur, celui de notre culture. Mesdames et messieurs les élus de l'Europe, thanks for your attention. Danke, grazie, danku, tak, et bienvenue, Force. Oui, bienvenue, et en mon incomparable langue natale, j'ajouterai ceci du fond du cœur. Comme députée européenne, Louise Weiss va tenter de monter un projet d'exposition sur la construction européenne qui n'a pas pu aboutir. Est-ce que c'est la seule action qui a marqué sa présence au Parlement ? Mais en fait, Louise Weiss est une femme âgée et de sa génération. Yves de Necher. beaucoup de députés européens et de députées européennes veulent se faire prendre en photo avec Louise Weiss. Il y a une photo assez célèbre de la Benjamine du Parlement européen, qui est la petite fille d'Eamon de Valera, une Irlandaise. Et on a la photo entre la Benjamine et puis la doyenne. Bon, elle a surtout un rôle un petit peu symbolique. Alors, ce qui va l'intéresser beaucoup, c'est quand même la culture. Donc ça, elle va participer à des travaux de commission, etc., pour essayer de faire avancer justement cette idée d'une culture européenne, d'une identité européenne, et elle va proposer effectivement un certain nombre de d'actions, mais non, Louise Weiss n'a pas été objectivement une députée européenne très active. Elle s'intéressait à la transmission, comme ses mémoires le laissent penser déjà. Alors, je suis pas sûr que ces mémoires d'une européenne aient d'abord pour premier objectif la transmission. Je pense que le premier objectif de ces mémoires, c'est la construction d'un parcours ou la reconstruction d'un parcours. Épilogue. Une sorte de magie, lourde d'histoire et de prémonition, se dégageait du domaine. Les plus menus événements y prenaient une allure épique. Tout animal s'y transformait en personne, et toute personne en personnage. Pendant des siècles, on s'était aimé, haï, multiplié et assassiné en ce haut lieu. Par sa seule présence, la stérile Amélie, dernière baronne de Saverne, contrariait cette magie. Son despotisme ne lui permettait de voir que la face éclairée des êtres, car redoutant son intolérance, même ses plus proches lui dérobaient leur face cachée et, soucieux de leur liberté, la confortaient pour se protéger dans le sentiment d'être la souveraine d'un monde apparemment sans pulsion autre que celle de ses ordres. Tout comportement péremptoire entretient une part d'aveuglement. La réalité fuyait les yeux d'aigle d'Amélie. Louise Weiss, Dernière volupté, roman 1979. Et alors, je vais faire une sorte de parenthèse sur le passage devant l'université de Strasbourg, où il y a une statue de Goethe, etc. Et alors, elle me dit, ah oui, je me souviens, j'ai passé là un jour, avec Herriot, qui était l'homme politique français qu'on connaît bien, et qui, je l'ai appris là, parlait bien l'allemand, je l'ignorais, lui a dit « Tu es formidable, Louise, tu es une Edelweiss, c'est le jeu de mots de cette fleur, quand même dans la montagne, un peu rare, donc une fleur noble parce qu'elle est dans les hauteurs, Edelweiss. » C'était Louise Weiss, roman d'une européenne, 1893. Avec Christophe Bellon, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université catholique de Lille, François Brunagel, chef du protocole du Parlement européen entre 2004 et 2014, Yves Denecher, professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Angers. Paul Colloval, directeur de l'information de la Commission européenne entre 1973 et 1984. Gabrielle Feller, conservatrice du musée de Saverne. Francis Wurtz, eurodéputé communiste de 1979 à 2009. Merci également à Willy Beauvallet, Étienne Deschamps et le service des archives du Parlement européen, Françoise Gaspard, Agnès Hubert, François Klein, Sylvie Maillère, Sébastien Michon, François Cher et aux documentalistes de la Bibliothèque centrale de Radio France. Lecture, Blandine Jordan. Archivina, Annie Lozana, Samantha Schmidt. Prise de son, Yann Frécy, Pierre Monteil, Georges Thau et Lucas Vaillant. Attaché de production, Céline Leclerc, Aurélie Marseille. Louise Weiss, roman d'une Européenne, 1893-1983. Catherine de Coppet et Thomas Duterre. Voilà donc pour ce documentaire qui concluait notre série d'émissions consacrées à l'idée européenne et à son histoire. Vous pouvez bien entendu écouter ou réécouter toutes ces émissions, et en particulier celles de lundi, mardi et mercredi, ainsi que celles-ci, sur le site de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse FabriqueFC, FabriqueFC. À demain pour notre table ronde fiction, la première de cette année 2019.